Una vegada més obre les seves portes a tots els nostres oients. Hola, la música, el programa dedicat a la música en francesa, amb Rafael Corbí. De vous imaginer un monde sans musique où nul ne peut chanter. Fini les romances, rien que du silence. Començarem el nostre espai del dia d'avui amb una de les cantants més venudes de França a l'actualitat, que des del 2012 té la seva estàtua de cera al Museu Gravent de París. Nolwenn Leroy, nascuda a Saint-Renan, a Finistère, França, el 28 de setembre de 1982, de nom real Nolwenn La Magresse, una cantant, cantautora i multiinstrumentalista francesa. És originària de la regió francesa de la Bretanya, filla de l'antic futbolista professional Jean-Luc Le Magres. Es va criar a la Bretanya, a l'illa de França i en el nord, al Pas de Calais. És una cantant molt, molt, molt bonica i amb una veu preciosa. La sentireu ara mateix amb els propers minuts del nostre programa, que va debutar l'any 2003 amb Nolwenn al seu àlbum d'estudi, número 1 a França i a Bèlgica, número 2 a Suïssa, i va continuar el 2005 amb Històries Naturals, el 2009 amb la Gigi Caterroa, el 2010 amb Breton, un títol als Estats Units es va traduir per Nolwenn, el títol d'aquest àlbum, també número 1 tant a França com a Bèlgica, i el 2017 ens va portar aquest àlbum que avui escoltarem, un número 3 amb aquests dos països i un número 15 a Suïssa. Escoltarem d'aquest artista, de moment, els dos senzills que va extreure d'aquest àlbum. Primer, la cançó que dona nom al disc, Nolwenn Leroy, entre nosaltres, amb Gem. On rêvait d'irréel, de joyaux sous les pierres, de pépites dans le lit. De cristal, des fantômes d'illusion nous cachaient le néant et le mal. Moi je veux chercher, moi je veux creuser, trouver sous la terre, trouver sous la chair. Cage ciel t'aidera, murmure une petite voix, voilà ton mantra, et tu traces ton chemin, t'avances, des ours tu n'attends rien, solitaire tu navigues, en brise glace, et tu traces ton chemin, oh, oh, oh, oh. Trace ton chemin, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sans répit, et tu traces ton chemin, il faudrait stopper le monde et demain, chanter maintenant un autre refrain, voir d'autres destins, effacer l'angoisse, ce ciel incertain, ces corbeaux qui passent. Et le ciel t'aidera, tous ces mea culpa, tu t'en débarrasses et tu traces ton chemin, aide-toi. Et le ciel t'aidera, ce mantra c'est le tien, de l'audace et tu traces ton chemin, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sans répit et tu traces ton chemin, il faut. Tous ces va-et-vient et tu traces ton chemin, il faudrait changer ce monde inhumain pour pouvoir s'arrêter avant le ravin, voir d'autres destins, effacer l'angoisse, ce ciel incertain, ces corbeaux qui passent. Els dos senzills extrets d'aquest àlbum a càrrec d'aquesta meravellosa artista avui que avui tenim a bé d'escoltar des del 2017. Àlbums magnífics, alguns d'ells que fins i tot un, recordem el Breton, que va aparèixer el 2010, compost per cançons en bretó, en francès, en anglès, i també en gaèlic irlandès, produït a Londres per John Kelly. Però bé, definitivament estàvem concentrant-nos en aquests i que ens aporta un ritme musical excepcional, al meu entendre, i una veu que fa que una vegada i una altra la vulguis escoltar. Nolwenn LeRoy, l'artista que també va destacar a través d'aquell programa televisiu que va ser Star Academy, on va quedar fascinada per el professor de cant, l'Armand Altay, que la va destacar. Una artista que va triomfar a través del reality show de la televisió francesa Star Academy l'any 2002 i més coneguda per els seus senzills anteriors, el Cassé i el Nolwenn Owo, per exemple. Escoltem dues cançons més d'aquest àlbum, el Combat per la Pau i el Bé Més Preciat, són dues de les cançons d'aquest disc que avui repassem de 2017 de Nolwenn LeRoy. À vivre et dormir dans les flammes, on brûle et l'on devient infernal, le mal prend d'autres visages, on sait qu'il fait plus chaud, que le diable et tous ses sbires ont changé d'oripeau. Tu crains la force obscure, deviens un héros sans armure et sans haine. Lâcher résister quand tout chavire s'affirme et s'en détruire. Liberté, on t'a blessé, on veut te faire souffrir. Ce monde est à la peine et toi tu as choisi l'amour à la Sur le toit Genial la manera com hem conegut a través del nostre espai aquesta artista que ens ha acompanyat durant aquests primers minuts a través del seu àlbum de 2017, la Nolwenn Leroy, la cantant de la Bretanya. És el moment de donar pas una vegada més amb el nostre espai a la col·laboració setmanal de l'Àngel Rodríguez. Benvingut, Àngel. Bonjour, hola la music, com esteu, amics i amigues d'aquest programa que ens presenta el bon amic Rafael Corbí. Avui tenim amb nosaltres a Kenji Malé, que és el nom autèntic de Kenji Girac, un gitano català que va néixer a la regió francesa de la Nova Aquitània l'any 1996, concretament a Périgueux. Va guanyar el concurs de la veu l'any 2014 que organitza el primer canal de la televisió francesa. L'any 2018 el programa el va convidar a cantar a la gran final amb aquesta peça que és tot un supervendes, Maria Maria. Amb nosaltres, Kenji Girac. Et ça recommence. Je parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des crèmes, des torticolis. J'entends toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur de l'avion, mais veut toujours voir le septième ciel. Dès que je ressens non seulement pas la peine. Elle fait des scènes, oui, j'en passe semaine. En filature, j'ai pris ses sentiments. En miniature, j'ai pris des photos d'elle. J'suis le meilleur, elle le fait que sans possible. J'y ai tout à l'heure, elle n'y serait pas là. Dans son cœur, y'a de quoi faire des ricochets. Et y'a plus d'amour, y'a que des états d'âme. D'âme. J'veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. J'veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que Maria, tu me bailas de locura. En la temperatura como la noche está dura. Y es toda una aventura, más rica que pura. Mírame Maria, con tu cuerpo tú me curas. Tra, tra. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria, dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Kenji est avec nous ce soir. Doncs així l'hem escoltat i seguint els seus consells en la versió que ens aportava d'aquest Maria Maria, Kenji Girac, i ho hem fet des de The Voice a la final d'aquest programa, la tercera de les sessions del programa. Gràcies, Àngel, per la teva col·laboració una vegada més entre nosaltres. Ara és el moment d'escoltar la música d'una formació que porta el nom de La Gargot. Això és un àlbum de 2007. Amon Mariage. Thank you. hat mich zur Hochzeit ausgesucht, hat mich zur Hochzeit ausgesucht, die Haare hochgesteckt, mein Hochzeitskleid, mein Strauß bereit. Warte ich darauf, mit dir ins Glück zu fliegen. Je t'aime encore, tu vois, j'étais en joie. Je t'aime encore, tu vois, c'était pour toi. À mon mariage, je m'étais te préparer. À mon mariage, je m'étais te préparer. Mais où avais-tu donc pu passer? Quand devant qui se curait, ce je me suis trouvé. T'attendais et t'espérais. Je t'aime encore, tu vois, je n'oublie pas. Je t'aime encore, tu vois, tu reviendras. À mon mariage, je m'étais préparé. À mon mariage, je m'étais préparé. Si demain matin tu n'es pas là, j'irai sur ces chemins à l'après du grand fleuve là-bas et je m'ignorerai. Je t'aime encore, tu vois, ça sert à quoi? Je t'aime encore, tu vois, tu. Je ne serai plus là, plus là. La Gargota, des del Jour de Fet del 2007, aquest dia de festa amb les guitarres que ens acompanyen, una cadència ben especial del contrabaix, rivalitzant amb el swing de l'acordió i del piano, les flautes, els clarinets. Aquí no hi ha altres coses que s'hi valguin. Aquí no hi podem trobar guitarres elèctriques i altres accessoris musicals. Així, senzillament, música com els dels trobadors de Japó. I això, de fet, són els que són cinc trobadors d'abans de Margot, amb Mont Mariage, o també una segona peça que escoltarem d'ells, que portarà el nom de Vals a Madrid. À mon mariage, je m'étais préparée. À mon mariage, je m'étais préparée. J'avais tressé mes cheveux bien serrés, ma robe de mariée et mon joli bouquet qui t'a donné pour gris, taquiner le silence en berçant d'insouciance toutes nos envies, tes yeux aussi marteler la cadence, trois petits pas, une danse, et je ne sais si je reverrai cette fée vêtue de soie, de lin, de perles, de rosée, caressant doucement tes joues de nacré d'argent. Si le ciel et la pluie se donnent rendez-vous dans tes yeux, Marie, il n'y a d'autre pays où je voudrais m'égarer pour la vie. Les fruits, c'est lambeau d'existence, au parfum de l'enfance, un petit bruit, un petit cri, sans colère ni violence, qui s'échappe et s'élance. Et je ne sais si je reverrai cette fée vêtue d'un simple souffle qui sortait de ta bouche, de tes lèvres carmin, un soupir en ton sein. Si le vent du midi prend ses quartiers dans ta poitrine, Marie, il n'y a d'autre pays où je voudrais m'égarer pour la vie. Je sais depuis qu'ils sont faits d'impatience, les navires en partance pour des pays lointains, et puis qu'ils n'ont pas eu la chance de sentir ta présence. Et je ne sais si je reverrai cette fée, mais peu m'importe qu'elle refrappe au creux de ma porte. Si le temps nous épargne de ces pièges de sa hargne, si la neige envahit et redessine tes doux cheveux, Marie, il n'y a d'autre pays où je voudrais m'endormir pour la vie. Programes ja de Hola La Music, 30 col·laboracions de Ciril Torres. No sé si hauríem de canviar la sintonia ja i buscar una altra música. Seràs encarregat, si cas, de trobar-ho. O, si no, continuem així pels segles dels segles, amén, que deien aquells antics bons homes. Això de trobar música, no sé, segurament serà complicat de per trobar, sí, de trobar alguna cançó, però bueno, alguna n'hi haurà de perduda. Ciril Torres, no cal que us el presenti, és el nostre mag de la música internacional en francès, sobretot de la música africana, tot i que moltes vegades ens porta veritables descobriments també de la música feta a França, com recordem tantes cançons, i un dia em penso que farem un monogràfic de cançons que ens ha portat ell al llarg dels programes. Gràcies, Rafael, i bon dia a tothom, i doncs gràcies per totes aquestes coses que dius. Al final l'únic que fem és transmetre, o sigui, la transmissió del treball d'altra gent, i de permetre doncs que arribi als oients. En aquest cas, som transmissió d'emocions i de gent doncs que amb tot el seu esforç intenta doncs transmetre el seu coneixement, la seva opinió també, i la seva visió d'aquest món. Ens anem a França, en aquest cas, el qual no és evident, perquè sovint efectivament ens anem a altres països o altres cultures per arribar a França en el marc d'aquest programa. La música francesa, jo crec, i segurament és una mica exagerat, però en els darrers 20 anys s'ha alimentat molt de la diversitat cultural de la seva societat, i una mica el camí que va marcar una formació com és Mano Negra, i que doncs d'allà va derivar doncs el que és Manu Chao i tot el que són les músiques, un gènere musical molt europeu, i alhora doncs que em tronca també doncs amb Àfrica, l'Amèrica Llatina i amb tots aquests ritmes universals. En aquest cas no és Mano Negra, no és tampoc... però és una formació francesa que reivindica la seva francesitat musical, jo diria, però alhora també amb una visió molt global. Varen tenir un moment molt interessant i van generar moltes coses. Ells són l'Ojo, que em penso que ja heu sentit aquí en algun d'aquests olalàs, i el tema doncs transgressor una mica, evidentment, perquè doncs toca algo que és molt sagrat a França, com és el seu himne nacional, amb una versió que es diu La Marseillaise en créole, La Marseillaise en créole. Hola La Music amb Rafael Cordí. Tenis animitat a casa de la sangre, ja sang que n'engelin. gens mal famés, assez maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir, prier nu avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semences d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales, je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Abraxas, le baron samedi du carnaval, nationale identité, la Marseillaise en créole. Sans rien dire, les pauvres abondants d'écriture de savoir, la smala en dreadlocks dans une passe d'Occitanie, national identity, la Marseillaise en créole. Així l'hem escoltat en directe la recomanació d'aquesta setmana d'en Ciril Torres, la marsellesa en crioll. Fins al final del nostre programa, Christophe Maé, aquest intèrpret, ens portarà alguna de les cançons dels senzills publicats del seu àlbum de 2013, Japó de Bonel, i que incluïa senzills de bastant d'èxit. Cançons importants, doncs, que escoltarem en tots aquests minuts amb aquest artista, un molt bon intèrpret, en Christophe Maé, nascut al 1975 amb el nom de Christophe Marticon i que és un dels cantants més destacats també de la música francesa pop de Remem. Diuen que la seva música va ser inspirada escoltant Stevie Wonder. Sentim-lo doncs en diverses de les cançons d'aquest àlbum de 2014. Je les arde au soleil. Je vois des merveilles, je marche sur l'eau. Tu me souffles à l'oreille que l'amour te réveille, qu'ici tout est beau. Alors je laisse mon cœur dériver, mon cœur s'étonner, car il faut que je te dise, je suis tombé sous le charme de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme comme des refrains vaudous. Je me suis tombé sous le charme à cause de ton sein sur ma joue tourne autour de mon âme et je tombe dans le bayou. Je crois pas au hasard, le jour comme le soir, tu me tiens chaud comme l'ébène et l'ivoire. Viens, on va s'asseoir au vieux piano. Alors tu laisses ton cœur décider, ton cœur hésiter, mais j'aimerais t'entendre dire, je suis tombé sous le charme à cause de tes mains, tes mots doux tournent autour de mon âme comme des refrains vaudous. Je suis tombé sous le charme. Je tourne autour de mon âme et je tombe dans le bayou. Laissons passer les heures, laissons passer nos peurs et laisse faire, ouais, laisse faire le bonheur. Et remplis-toi de candeur, remplis-moi de douceur et roulons-nous dans les fleurs. Du bonheur, je veux de la joie. m'éclate le cœur. Alléluia. Prends ma main, je t'emmène. Je connais le chemin. Il se monte sans peine et sans chagrin. Ouais, dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud. Dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Des milliers de cœurs résonnent au fond de moi. Peut-être un peu voleur pour ne pas être proie. Je t'emmène. Je connais un sentier. Il se monte sans peine et sans souliers. Dis-toi qu'il fait beau et que le temps est aussi chaud qu'hier. Ouais, dis-toi qu'il fait chaud et qu'on fera la peau à l'hiver. Oh non. Personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Oui, vas-y, danse comme si personne ne te regardait. Chante comme si personne ne t'entendait. Souris à la vie comme si elle te souriait. Je veux voir mes parents longtemps. Pourquoi pas leur parler encore mille ans. Je veux voir pousser les fleurs et mes enfants croiser l'amour à tous les carrefours. Me baigner dans des rivières de prière, ouais. Être béni des grands. Sona la música de Christophe Maé des d'aquest àlbum que us portem, aquest disc de 2013. Ell va debutar l'any 2002, de fet, amb les seves cançons i la bona música, però fins al 2007 no va extreure el seu primer gran disc, el On Satage, aquell número 1 a França, en format de senzill, i l'àlbum Mon Paradis del 2008. De fet, aquest i tots els seus àlbums han estat número 1 a França. Un personatge destacadíssim que ens acompanya, la revelació francesa de l'any el 2007, la cançó de l'any per aquest setatge del 2008 i també el vídeo de l'any per una d'aquestes cançons d'aquest disc del 2016. Fins al final del programa, les dues darreres cançons en la música de Christophe Maé. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Ha estat tot avui a Hola la Music. A reveure. A travers la fumée. J'avais tout oublié. Si on avait un peu regardé, peut-être que l'hiver ne l'aurait pas brisé. Un pied dans le vide, elle a déménagé. Elle perd son équilibre entre deux larmes salées. Y'a comme un goût acide qui hante ses baisers. Elle dit qu'elle est lucide. Non, plus jamais se caser. Elle tire sur un mégot, sans foi rallumée. Quand je lui tends la main, à travers la fumée. Elle était si belle, la poupée. Elle que les anges avaient tout oublié. Et si on avait un peu regardé, je le garde au chaud en attendant le retour du soleil. Et si le mien passe l'hiver au chaud, sache que sur toi je veille. Non. l'enfer a déjà trop duré. Est-ce que t'entends ce chant et ces cœurs? Ils disent que ça se termine bien et pas peu. Loin de moi l'idée de ne pas t'épouser alors. Non, ne t'en fais pas ma belle, non, ne t'en fais pas. Car loin de moi l'idée d'une femme sur chaque quai alors. Non, ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas. Je regarde l'étoile du nord, seul comme un chercheur d'or. Je regarde vers l'est, le soleil se lève quand tu dors. J'oublie peu à peu ton corps, y'a que la solitude à bord. Mais le vent me pousse encore. Laisse-moi m'en aller, je te promets de revenir vers nos années. Ou quand je te disais qu'un jour j'allais t'emmener et te faire l'amour la vie entière. Crois-moi, crois-moi, laisse-moi m'en aller. Loin de moi l'idée de ne pas t'enlacer alors. Non, ne t'en fais pas ma belle, non, ne t'en fais pas. Car loin de toi je sais que la chance et la joie m'ignorent. Mais non, ne t'en fais pas ma belle, ne t'en fais pas. Je deviens fou, je perds le nord, seul comme un chercheur d'or. J'ai la tête à l'ouest, la lune se couche quand tu dors. N'oublie surtout pas mon corps, y'a que la solitude à bord. Mais le vent nous pousse encore. Laisse-moi m'en aller, je te promets de revenir vers nos années. Ou quand je te disais qu'un jour j'allais t'emmener et te faire l'amour la vie entière. Crois-moi, crois-moi. Regarde la mer, et si le vent se lève, c'est que je serai là bientôt. Regarde et espère, l'absence est un rêve, d'où je reviens bientôt. Laisse-moi m'en aller, je te promets de revenir te faire l'amour. Alors laisse-moi, laisse-moi m'en aller. Je te promets de revenir vers nos années. Ou quand je te disais qu'un jour j'allais t'emmener et te faire l'amour la vie entière. Crois-moi, crois-moi. Oh, laisse-moi m'en aller. Promets de revenir vers la jetée, d'où je te disais qu'un jour j'allais t'emmener et te faire l'amour la vie entière. Ouais, crois-moi.